J'ai l'air un peu fatigué, je suis gros et bien moulé. Je ne m'appelle pas Kirby, je suis boulifié. Mon chef c'était Babidi et Dabra un peu aussi. Et lorsqu'est venu Sangoku, je lui ai fait ce truc choupi. Mais qu'est-ce que tu lui as fait en douille? Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends ton rayon et transforme-toi en chocolat. J'ai une super puissance, pareil que j'étais méchant. Mais je suis trop rondouillard depuis tout ce temps. La brasse s'est foutue de moi, alors pour lui faire bien voir, je me suis vengé comme ça, avec un de mes super pouvoirs. Et qu'est-ce que tu lui as fait, grosse boule? Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends ton rayon et transforme-toi en chocolat. Ils sont vraiment pas forts, y'en a pas un qui m'étale. Ou alors c'est moi qui est fort, il faudrait voir. Gotenks et Trunks ils fusionnent, ça a donné Gotenks. Mais à peine ils ont commencé que je leur ai fait un truc qui pète. Mais qu'est-ce que tu lui as fait, Willy Wonka? Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends dans mon rayon et transforme-toi en chocolat. Et après, est-ce que t'as vu Sangoku? Le Goku des Saiyajins qui fait danser les Saiyajins. Oui. Oui. Goku, oui. Oui. J'ai l'air un peu fatigué, je suis gros, c'est bien moulé. Je ne m'appelle pas Kirby, je suis boulifié. Mon chef c'était Babidi. Et tout ça je l'ai déjà dit. Et lorsqu'est venu Sangoku, je leur ai fait un truc choupi. Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends dans mon rayon et transforme-toi en chocolat. Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends dans mon rayon et transforme-toi en chocolat. Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends dans mon rayon et transforme-toi en chocolat. Tiroli boubou, que je me régale. Tiroli boubou jusqu'à la tête et puis les bras. Tiroli boubou, chocolat blanc, chocolat noir. Prends dans mon rayon et transforme-toi en chocolat. Tiroli boubou. Oh putain, merde!